Voici votre bulletin régional pour le 5 décembre 2014. Le 6 décembre, à 13h30 au Centre culturel de Whedon, un spectacle gratuit de Fifi le clown sera offert. Dans le journal Le Haut-Saint-François, on annonce la présence de Benoît Fournier, magicien, et du Père Noël. Dès 10h le 6 décembre, le village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick se transforme en village de Noël. Pour plus de détails, voir cantondelingwick.com. Le souper de Noël de la FADOC de Sireville a lieu le 6 décembre à 17h à la salle communautaire. Ce sera suivi d'une soirée dansante. Pour information, Sylvie Gaudreau ou Rémi Lagacé. Le Centre de femmes La Passerelle du Haut-Saint-François invite la population à allumer une bougie à 18h le 6 décembre en mémoire des 14 femmes de la Polytechnique. Les chevaliers Colomb Distinguis passeront la guignolée le 7 décembre. Le brunch des chevaliers Colomb d'Ascot Corner se déroulera le 7 décembre dès 9h à la salle multifonctionnelle. 8$ par adulte. Le 8 décembre à 19h, à la grande salle de l'hôtel de ville de Scotstown, on présente « Maman, j'ai raté l'avion », version française du film « Home Alone », entrée libre.